Psaume 136. Célébrez l'Éternel, car il est bon, parce que sa miséricorde demeure à toujours. Célébrez le Dieu des dieux, parce que sa miséricorde demeure à toujours. Célébrez le Seigneur des seigneurs, parce que sa bonté demeure à toujours. Célébrez celui qui seul fait de grandes merveilles, parce que sa bonté demeure à toujours. Celui qui a fait avec intelligence les cieux, parce que sa bonté demeure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, parce que sa bonté demeure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, parce que sa bonté demeure à toujours. Le soleil pour dominer sur le jour, parce que sa bonté demeure à toujours. La lune et les étoiles pour avoir domination sur la nuit, parce que sa bonté demeure à toujours. Celui qui a frappé l'Égypte en leur premier-né, parce que sa bonté demeure à toujours. Et qui a fait sortir Israël du milieu d'eux, parce que sa bonté demeure à toujours. Et cela avec main forte et bras étendu, parce que sa bonté demeure à toujours. Il a fendu la mer Rouge en deux, parce que sa bonté demeure à toujours. Et a fait passer Israël par le milieu d'elle, parce que sa bonté demeure à toujours. Et a renversé Pharaon et son armée dans la mer Rouge, parce que sa bonté demeure à toujours. Il a conduit son peuple par le désert, parce que sa bonté demeure à toujours. Il a frappé les grands rois, parce que sa bonté demeure à toujours. Et a tué les rois magnifiques, parce que sa bonté demeure à toujours. Savoir, Sion roi des Amoréens, parce que sa bonté demeure à toujours. Et Og, roi de Basan, parce que sa bonté demeure à toujours. Et a donné leur pays en héritage, parce que sa bonté demeure à toujours. En héritage à Israël, son serviteur, parce que sa bonté demeure à toujours. Et qui, lorsque nous étions fort abaissés, s'est souvenu de nous, parce que sa bonté demeure à toujours. Et nous a délivrés de la main de nos adversaires, parce que sa bonté demeure à toujours. Et il donne la nourriture à toute chair, parce que sa bonté demeure à toujours. Célébrez le Dieu fort des cieux, parce que sa bonté demeure à toujours.